la mouka pousse moi. Ou vine choué en dé. Bâtiment la rentrée, mon air. Oh, oh. Capitaine a qu'un en moi. Katon assis, qui est là. Avant moi de voyager, on loua dans mon cœur écrasé. Sentiment nous t'est pressé. L'homme était belle en naviguer, en vogue si tout l'océan. Mais j'en dis moi, mais accosté. Sensation à vivre en moi. Vini, vini, vini, vini, darling. Vini, plonger en bois en moi. Nous qui baignons dans la mer bonheur. Oh, on savait bien, on pas facile. Pas peur, on peut que faire ou flipper. Présent moi décidé. Moi parler pour moi recevoir. Apprécier ça au okay, cœur bon moi. Chaque soleil qui que lever. Yeah.